MC, je fais pas de bruit comme un catalyseur. Moi j'arrive, je suis dans les airs comme quand j'élève un Pfizer. Que tu te fais péter, me fais pas le Kaiser. Je suis dans GTA, t'es dur à trouver comme la Viper. J'arrive au quartier, putain, y'a 5 étoiles. J'ai perdu des êtres chers, je les vois dans les étoiles. Que ça me dit que tu l'as pas sauté. Et que tu me dis, vas-y, fais pas chauffer. Si t'es un tête, on m'a dit que t'as sauté. Maintenant, va falloir les faire sauter. Ouais, cet album, tout le clip va faire mal. Ça nous faire mal, comme tu trop vers là. Y'a pas dans mon tête que tu n'as rien à faire là. Problème sous problème, tu vois pas, c'est la guerre là. Le bâtard, ça va te soulever. Je me sens dépisté à la maison, j'ai tout levé. Du petit couteau au 44 sous la lampe de chevet. La peau dans la chemise, la fume le soir pour m'achever. Je te l'aurais dit si tu me décevais. Je te remercie si t'achètes mes CD. Oh putain, y'a les poulets. On les a même pas vus débouler. Je te calcule pas, c'est pas ce que je voulais. Je t'aime bien, mais je suis con, je me prends tout le monde dans la foulée. Et puis ça, j'ai la flemme de rouler. Quand c'est la chienne, ça se met pas mort et ça zone en roue libre. Je viens de rapper pour me défouler. Des fous les gens qui ils sont pas prêts de me voir couler. Sur un dominateur avec un cachonnet. Pour faire le terminateur, ça me cachonnet. En promenade, j'ai quitté le cou et aller questionner. Je suis corsé alors, je suis pas un fashion mec. Ça court tous les côtés quand y'a les banales. Ça cartaque, ça fait des coffres de Marseille à Paname. Je suis déçu, des fois mon cœur s'irrite. Je fais le buzz et alors, je vais faire mon petit tour en spirit. Reste rien sur la plaquette, fais gaffe quand t'es frite. Que tu roules sans permis, fais gaffe à les flics. Y'a mes albums mais avant y'a les fuites. J'suis toujours pas qui c'est, à vous de deviner la suite. C'est pas les civils, y'a les parks. Et quand j'suis en zone, j'fais cracher le rapport dans le quartier. Je sors du mat, toc, toc, toc. Ce qu'il y a des saints, des flics, flics, flics. Tout est caché dans la lock, lock, lock. Faut faire confiance quand ça clic, clic, clic. En boîte, j'ai mon sorbet et mes Nike. J'reste moi-même avec mon Facebook et mes likes. On t'a cramé, t'es un fake. T'as tout le quartier en ami, genre t'es tanké comme Nicki Minaj. Elle est mariée, me fait la ficelle. A chaque fois qu'elle fesse, elle monte son string ficelle. Des fois je vois, ouais, dis-moi si je dis bague. Tom Tom équipé, le blanc sur le Momo design. Quand c'est simple, je vois le type qui me course. Regarde les dégâts qui me causent. Je l'insulte et il me pousse. C'est le son qui casse les têtes. Arrêtez le rap, vous faites chauffer comme les civils en bas de chez moi. C'est le son de la bandit fantôme. Chez moi, on veut mourir, mais parce qu'on a grandi trop tôt. C'est le son qui casse les têtes. Arrêtez le rap, vous faites chauffer comme les civils en bas de chez moi. C'est le son de la bandit fantôme. Chez moi, on veut mourir, mais parce qu'on a grandi trop tôt. C'est le son qui casse les têtes. Arrêtez le rap, vous faites chauffer comme les civils en bas de chez moi. C'est le son de la bandit fantôme. Chez moi, on veut mourir, mais parce qu'on a grandi trop tôt. C'est le son qui casse les têtes. Arrêtez le rap, vous faites chauffer comme les civils en bas de chez moi. C'est le son de la bandit fantôme. Chez moi, on veut mourir, mais parce qu'on a grandi trop tôt. C'est le son qui casse les têtes. Arrêtez le rap, vous faites chauffer comme les civils en bas de chez moi. C'est le son de la bandit fantôme. Chez moi, on veut mourir, mais parce qu'on a grandi trop tôt. C'est le son qui casse les têtes. Arrêtez le rap, vous faites chauffer comme les civils en bas de chez moi.